Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette FAQ du Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, bien sûr, quand même. Salut. Oui, bah oui, c'est quand même mieux. Ouais, j'aurais pu choisir de répondre à toutes les questions tout seul, tu sais, en imitant ta voix. Ça aurait été... Avec une chaussette marionnette. Ça aurait été bizarre. Ouais, oh. Avec l'IA, je suis sûr qu'on peut y arriver. Une chaussette marionnette. Oui, bah pas trop vite quand même, l'IA. Eh, tu sais, ton boulot est en suspens, hein. Il va disparaître un jour ou l'autre. Est-ce que c'est vraiment un boulot en sachant que tu ne me payes pas? Oui, ça s'appelle un apprentissage. Bon, bah, je suppose qu'on se lance tout de suite, vu que de toute façon, ça va être surtout pour parler de trucs plus perso que d'habitude aujourd'hui. Yes, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a pas d'intro, il y a rien du tout pour cette vidéo. Ah oui, voilà, c'est ça. On peut pas dire que Stephen King aime quelque chose. On ne sait pas s'il aime les FAQ. C'est vrai. Bah après, vu qu'il répond souvent à des interviews, bah, tu me diras peut-être qu'il aime pas ça non plus. C'est vrai. Ouais, c'est possible qu'il en ait marre. Hein. Surtout à force qu'on lui pose toujours les mêmes choses. C'est vrai. Alors que nous, c'est la première fois. C'est un peu nouveau, quoi. Ouais, voilà, il y a l'excitation de la découverte. Dans 200 épisodes, on en aura peut-être marre. Oui, voilà. Très bien, eh bien, nous allons nous lancer tout de suite avec les dernières questions que nous avons reçues, puisque c'est les premières que j'ai mises dans ma liste. Ce sont donc les questions de John Sparrow. Merci de nous écouter depuis un bon moment. Je ne sais pas exactement merci. Depuis quand, mais depuis longtemps. Merci, merci. Et première question, donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Est-ce que vous êtes amis depuis longtemps? Alors, notamment pour la date, j'espère que tu te souviens mieux que moi, parce que je suis nul en date. Alors, la date, je ne sais pas non plus. Avant 2020, ça c'est sûr. C'est en 2020 que tu as fermé C'est en 2019 ou 2020, dans ces eaux-là. Ou alors 2018 même, du coup c'est encore plus vieux. Ouais, ça commence à remonter maintenant. Hein. Donc, pour la petite histoire, j'étais libraire, fut un temps. J'avais une librairie spécialisée en bande dessinée à Reims, du coup, vu que c'est là où nous vivons tous les deux. Et Issam était l'un de mes clients, tout simplement. Un jour, il est rentré dans une librairie, il a vu un vendeur fort sympathique, n'est-ce pas? Ouais, c'est attention ça. Attention à ce que tu vas dire. Et puis surtout, ça discutait régulièrement cinéma, donc j'ai fini par m'incruster dans les conversations, c'est un peu ça, je crois. Oui, voilà, avec d'autres clients ouais. Plus réguliers que toi à l'époque, en tout cas. Oui, qui venaient depuis l'ouverture, ouais. Voilà. Je me souviens, par contre, je crois me souvenir du manga que tu m'avais acheté. Ah, est-ce que toi, tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens, oui, mais dis, voir si c'est bien ça. Alors, attends, je recherche le titre. Il me semble que c'est Notre Incroyable Petite Sœur, non? C'est, oui, le titre du manga, c'est Kamakura Diary. Voilà, Kamakura Diary. C'est celui qui a été adapté en Notre Petite Sœur par Koreeda. C'est pour ça que je voulais le lien. Voilà. C'est le premier manga que tu m'as acheté. Effectivement, et après, il y en a eu pas mal d'autres, notamment sur tes conseils. Voilà. Donc voilà comment nous connaissons. Mais il y a moyen que ça remonte à 2016, un truc comme ça. Hein, oui, voilà, c'est ça. Du coup, ça doit faire ça. Ça doit bien facilement faire 10 ans, oui. Ouais, on doit approcher la dizaine, ouais. Putain, le temps passe vite, quand même. Ouais, c'est un peu flippant d'y songer, même, je trouve. Il est vrai. Et c'est un peu comme ça que j'ai rencontré également... Gensuga, donc Florian, avec qui j'ai fait des lives, donc peut-être que des gens voient de qui il s'agit, enfin connaissent sa voix en tout cas. Ouais, Wizdeck aussi d'ailleurs, vu que tu l'as connu via Gensuga dans mon souvenir. Oui, que j'ai connu via Gensuga, effectivement, bah KXV via toi. Ouais. KXV qui sans doute nous écoute, donc salut à lui aussi, salut à tout le monde. Ouais, il a envoyé des questions, elles viennent un peu plus tard. Et voilà, si tu veux rajouter quelque chose sur cette incroyable anecdote... Non, bah non, c'était une rencontre sympa, une belle rencontre. Effectivement. Comme quoi les mangas, ça amène à tout. En quoi la bande dessinée, ce n'est pas que des images. Ouais. C'est aussi de belles histoires. C'est pas que du pif-paf-pouf, comme dirait Zemmour. Voilà, c'est pas que des petits Mickey. Question suivante de John Sparrow toujours. D'où vous est venue cette passion pour King? Est-ce que c'est votre passion pour les chairs de poule enfant qui a évolué? Alors moi, vas-y, déjà non, laisse. Parce que j'ai pas lu les chairs de poule quand j'étais enfant, j'appréciais pas plus que ça. Ah, moi j'étais un grand fan des chairs de poule, justement, gamin. J'aimais beaucoup ça. Ouais, j'avais pas adhéré, j'étais peut-être pas un enfant qui aimait beaucoup l'horreur, hein, ça doit jouer. Ouais, alors que moi c'est un genre que j'ai toujours eu dans mon cœur. Et donc forcément, la lecture d'un auteur comme King, bah, quand tu aimes la lecture et le genre horrifique, forcément tu ne peux que aller vers lui. Ouais, forcément. Moi, je me rappelle mon premier contact avec King, en fait, c'était assez lointain et c'était sans le lire, c'était une sorte de fascination. J'avais une nourrice quand j'étais enfant qui était grande fan de King, et donc quand j'allais chez elle, il y avait cette armoire, cette étagère pleine de King, et qui me fascinait un peu. Surtout que ma mère disait que ça faisait super peur à côté. Et j'ai lu King un jour où j'étais un peu désœuvré dans une ville où je connaissais personne et j'avais rien à lire. Et du coup, je suis entré dans une bibliothèque, dans une librairie, pardon. Et je suis tombé sur ça qui était mis, je sais pas pourquoi, bien en avant. Et ça m'a rappelé ces souvenirs-là. Et donc, j'ai décidé de tenter. Et j'ai été happé dès les premières pages, parce que le début de ça est formidable. Alors, par contre, de mon côté, je suis incapable de dire lequel. Avec lequel j'ai commencé. Je n'ai plus aucun souvenir. Oui, ça remonte vraiment loin, toi, du coup. Bah, début d'adolescence, je dirais. Ouais. Mais j'ai, disons, une hésitation entre Cimetière, fortement, ou ça. Cimetière, je me souviens que c'est une lecture de bibliothèque. Voilà, c'était la couverture qui m'avait grandement impressionné à l'époque. Ouais. C'est très très joli, de je ne sais plus quelle édition. Oui, tandis que moi, les bibliothèques, j'allais surtout à celles du collège et du lycée, et je pense pas qu'il y avait beaucoup de King. Effectivement. Je suis pas certain. Le CDI de l'angoisse. C'est un bon titre, tiens, le CDI de l'angoisse. Bon titre de chair de poule, justement. Oui, c'est vrai que ça aurait pu. Incroyable. Je vais me reconvertir en auteur de chair de poule. Il faut que je retrouve dans cette couverture de Cimetière. Parce que comme ça, quitte à être dans une FAQ, autant s'étirer un peu. Hein. Je me rappelle que c'était déjà la couverture livre de poche pour ça, et c'était le ballon, enfin un ballon posé à côté d'une bouche d'égout. On voit une espèce de visage de gnome, clown, qui en dépasse. Oui. C'est bien ça, c'était une édition Albin Michel, où en fait au premier plan on voit le cimetière, et au second plan on voit l'arbre. Du coup, qui fait la frontière, hein, l'arbre mort. Et en fait, les branches de l'arbre, avec le coucher du soleil, forment un visage démoniaque. D'accord. Ah oui, je l'ai sous les yeux, je pense. Effectivement, elle est très impressionnante. Avec Stephen King écrit en violet. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Et la couverture, vraiment, quand j'étais du coup en début d'adolescence, m'avait vraiment tapé dans l'œil. Ça m'avait dit « Lis-moi !» Ouais, mais il y a un peu ça, il y a le côté tu vas lire un truc qui fait peur mais qui va te divertir, elle est bien. Et puis t'as l'étrangeté du fait que bah pourquoi Cimetière est écrit comme ça, que c'est que ce bordel, et voilà. C'est vrai que c'est un super titre avec sa faute d'orthographe. Ah oui, bah, faute d'orthographe du coup qui reprend également de la VO. Oui, c'est Matari en VO effectivement. Voilà. Question suivante, alors à laquelle moi je vais donner des réponses sur des trucs un peu approximatifs parce que j'ai toujours du mal, mais quel est votre top un film et jeu vidéo préféré de tous les temps, Forever and Ever. On va commencer par film, peut-être. Est-ce que toi, t'en as un qui te vient en tête ? Toi comme moi, je sais très bien, hein, tous les deux, on n'est pas non plus fans de faire des tops. Et c'est très dur de définir un film vraiment qu'on mettrait en top priorité du reste. À la limite, je peux par contre faire une liste de films que j'ai vus énormément de fois. Et là, ça peut un peu plus orienter les goûts et les couleurs de chacun. Par exemple, de tête, je sais que un film comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai vu énormément de fois dans ma vie. Pareil, Batman Returns. Si je l'ai vu plus de 10 fois, je l'ai dû le voir plus de 10 fois facilement. Pareil pour le zombie de Romero, ou même La Nuit des Morts Vivants. Moi, je sais qu'il y a des films comme Cure de Kurosawa que j'ai beaucoup revu. 2046 de Wong Kar-wai. Ouais, il était une fois dans l'Ouest pour moi, là, j'y ouais, pense. Ouais, lui aussi. Peut-être plus Le Bon, la Brute et le Truand, moi. J'ai peut-être encore plus revu Le Bon, la Brute et le Truand. D'accord. On connaît la chanson, c'est un film que j'ai beaucoup revu. Quoi d'autre ? Certains Jackie Chan. Ouais. Jackie Chan Rumble in the Bronx. J'ai dû le voir vraiment un bon nombre de fois aussi. Les Police Story, pas mal aussi. Le Marin des Mers de Chine. Les Gremlins 2, que j'ai énormément poncé à tout âge de ma vie. Ah oui, effectivement, j'ai commencé un peu plus vieux, mais ouais, je l'ai pas mal revu. SOS Fantôme, un film que j'aime beaucoup. Ça, pour le coup, je l'ai moins vu, je suis moins fan de SOS Fantôme. Je suis trop du côté des méchants. L'été de Kikujiro, moi, je l'ai beaucoup revu. Aniki, mon frère, si on parle de Kitano. Ouais, moi, un que peu j'ai moins, énormément qui vu. est Aniki, mon frère. J'ai beaucoup revu Hanabi aussi, par contre, et Ouais. Sonatine. Les Sept Samouraïs, je ne le regarde pas tous les jours parce que ça dure 3h30, Oui, mais ça dure une je plombe. l'ai revu plusieurs fois quand même, tu vois. Oui, on est d'accord. Ah, comment il s'appelle ce film avec Samouraï dans le titre avec. Bah, c'est Ah, peut-être avec Forest Samouraï, le Whitaker. film français. Non, avec Forest Whitaker. Du coup, c'est Ghost Dog qui me vient en tête. Ghost Dog. Ouais, il n'y a Ouais, pas Samouraï en fait. oui, mais je vois, parce qu'en plus, il y a tous les liens avec le samouraï de Melville. Donc, Ah, on mais peut y oui, c'est penser. Ghost Dog, la voix du samouraï Ah, voilà, c'est vrai qu'il y en a ça en VF. français. Oui, excellent film aussi, je l'ai vu plusieurs fois, en Ah, effet. bah non, mais même en vélo, c'est Ghost Dog, The Way of the Samurai. Moonrise Kingdom, c'est un film que j'ai beaucoup revu. Oui, c'est vrai. Pareil. Donc, Wes Anderson. Ouais. Il y a des Dario Argento que j'ai vu plusieurs fois aussi. Hein. De Wes Anderson, il y a aussi Mr. Fox, que j'ai vu beaucoup de fois. Le Darjeeling Limited aussi, tant qu'on est dans Wes Anderson. Ouais. Des Cheyarc, certains comme Time and Tide, je les ai vus pas mal de fois aussi. Voilà, je peux pas, je ne peux pas ne pas citer de Tim Burton Big Fish, Ouais, effectivement. qui lui par contre est, lui je peux vraiment le définir en tant que faisant partie de mes films préférés vraiment pour le coup. C'est un film quasi parfait à mes yeux. Je pense que j'ai pas mal revu Le Bon, la Brute et le Cinglé. Ça fait partie de mes feel-good movies, moi. Ah, j'ai dû le voir que une ou deux fois, tiens. Bon, deux fois, je dirais. Je le trouve vraiment super cool, celui-là. Je regarde un peu autour de moi, hein, dans le bureau. J'imagine que tu fais peut-être pareil de ton Oui, un peu. côté. Oh, certains Godzilla, je Oui, les bah ai oui, vus plusieurs forcément. fois. Forcément. Et tiens, des animés Astérix? Oui, surtout les 12 travaux, Voilà. moi. Pour faire écho avec, avec le dernier 237, Ouais. Room 237 gag. Joe avec De Funès, j'ai dû le voir pas mal de fois aussi celui-là. Alors, Rabbi Jacob, si on parle de Rabbi Funès. Jacob, pas trop, je suis moins fan de Rabbi Ah, moi Jacob, tu vois. je l'ai vraiment vu pas mal de fois. Hein. Bah là, je le vois de là où je suis, Die Hard, le tout premier. Oui. Et tu me diras le 3 aussi. Hein. J'ai dû les voir facilement autant de fois l'un que l'autre. Last Action Hero, si on est dans les films d'action de cette époque. Ouais, alors, puis tu restes chez McTiernan, du coup. Oui, en plus, je reste chez McTiernan, en effet. Le labyrinthe de Pan. Ouais, aussi. Certains Ghibli, Chihiro, j'ai dû le voir beaucoup de fois. Le tombeau des Lucioles, beaucoup trop de fois pour ma santé mentale. Je le vois trôner sur une étagère Alien, le tout premier, que j'ai revu en plus il n'y a pas longtemps. Je l'ai revu plusieurs fois aussi, ouais, Alien. Ça doit être. C'est clairement celui de son réel que j'ai le plus revu, en tout cas. Oui, à mon avis, ça doit être pareil de mon côté. Jurassic Park. Ouais, moi non, tu te doutes bien. Oui, mais toi peut-être, parce qu'il fait aussi partie des films que j'ai vus beaucoup de fois, Hook. Hook, oui, par contre, clairement. Et E.T. aussi, même si ça fait un moment maintenant, il y a une période, je le regardais pas mal, E.T. Hook, parenthèse, hein, toi comme moi, ça fait vraiment partie de ces films où on ne comprend pas pourquoi énormément de gens ont de la haine envers ce film. Ouais, je sais pas, c'est assez incompréhensible. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens qui l'aiment l'adorent vraiment. Ils Ouais, divisent un peu beaucoup, en aveuglément, tu veux fait. dire. Ben, c'est un peu entre les deux. Il est soit très très aimé, soit vraiment pas du tout. Roger Jackie Rabbit, Brown. Ah oui, Roger Rabbit, c'est pas la effectivement. même ambiance quand C'est pas même. la même ambiance, mais. Mais les deux, je pense, de chacun, toi et moi. Oui. Kill Bill aussi, d'ailleurs, de Tarantino. Là, de là où je suis, j'aperçois un certain film d'un certain Mamoru Oshii, Ghost in the Shell. Ouais. Même si moi je fais partie des pédants qui ont plus regardé le 2 que le premier. Qui en plus regardé le remake US, je crois que t'allais dire. Non, quand même pas. Almodovar, j'ai énormément revu Tout sur ma mère et Volver. Almodovar, je t'avais déjà dit, fait partie de ces réals où vraiment faut que je me plonge dedans. J'en ai pas Ouais. vu assez. Ouais, ça en vaut le coup. Bon, on Mais voilà, commence à tout ça avoir pour. cité Ah pas bah mal si, de trucs, bah. hein. Énormément de films de Chucky, dont le premier, que j'ai vu énormément de fois. Ah oui. Oui, Le jeu effectivement. d'enfant. Tout premier de Chucky. Et on n'en a pas parlé, mais Toy Story, côté Pixar. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas mal regardé aussi. Mais Tout je ça pour pense dire qu'en cinéma asiatique, il y en que. a vraiment pas mal que j'ai beaucoup regardé à une époque, quand je découvrais qu'il y avait des trucs qui m'impressionnaient, tu vois, qui changeaient un peu ma vision de comment on fait le cinéma, tu vois. Docteur Sleep, lol, non. Je l'ai vu deux fois, c'était trop. Je l'ai vu qu'une fois. Attends, tu l'avais vu au cinéma, il me semble, c'est Oui, je ça? l'avais vu au cinéma, ouais. Un jeune fou. Ouais. Non, mais par contre, voilà, si on peut citer du coup une adaptation de King, Chambre 1408, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois. C'est possible que ce soit celle que j'ai le plus vue. Je l'ai Ah oui, vu, si, j'avais tiens, à découvert. ajouter Barry Lyndon que j'ai énormément vu. Chambre 1408, je l'avais découvert au ciné et depuis je l'ai revu ouais, un bon nombre de fois en vidéo. Barry Lyndon, oui, exact. Moi aussi. Mais voilà, du coup, ça vous fait un petit paysage. Vous remarquerez qu'on a pas mal de trucs en commun quand même, hein. C'est pas On pour a quand rien même qu'on des s'est goûts bien assez proches, entendu. hein, mine Oui, de rien. sur pas mal de trucs, ouais. On a des goûts assez proches, c'est surtout, comment dire, nos préférences en termes de cinéma par pays qui peut être un peu divergent, même si, comme toi, j'aime également le cinéma asiatique, mais je lui voue pas un aussi gros culte que toi, par exemple. Ouais, tu vas moins facilement que moi, moins automatiquement, Voilà, quoi. c'est ça. Moi, alors que moi, de manière un peu accro, je vais aller plus vers du giallo italien, alors que toi, tu vas plutôt aller vers du cinéma japonais Oui, c'est ça, mais ou du coup, ça nous hongkongais. permet de nous conseiller les uns l'un l'autre sur des trucs, c'est pratique Voilà, aussi. c'est ça. Mais tout ça pour dire que Issam comme moi, on n'est pas trop adepte en fait de la qualification top 1. Bah, c'est Parce que. extrêmement compliqué, je trouve. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Surtout qu'il y a des films, comment tu veux les comparer? À la limite, au sein de la filmographie d'un cinéaste, c'est faisable, mais. Mais ouais, dans des genres, ça devient très vite plus compliqué si tu prends le cinéma dans son ensemble. Bah oui, voilà. Et le problème va être le même côté jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Même si j'ai un peu moins de mal à limiter à des trucs. Parce que j'ai fait moins de jeux que je n'ai vu de films dans ma vie, donc. Moi aussi, et j'ai également refait moins de jeux que je n'ai revu de films. Oui, voilà, Parce c'est que ça. refaire un jeu, déjà, ça sous-entend vraiment passer du temps, parce qu'un jeu, c'est pas comme un film, hein. Surtout quand, comme moi, tu aimes beaucoup le JRPG. Ouais, Autant dire c'est que c'est pas aussi le un genre que tu problème, mets ouais. une heure à faire. Du coup, moi, j'ai noté, j'ai pris la question en disant je vais noter mon dernier énorme coup de cœur de ces derniers temps, enfin mes Ah derniers oui, énormes coups de cœur de ces derniers c'est temps, ça simplifie un peu. un. Ouais, c'est intéressant. Vas-y, du coup. Du coup, c'est mes trois gros coups de cœur de l'année dernière, à savoir Chicory, Slay the Princess et Omori que j'ai noté. Bah, du coup, Chicory, je suis d'accord avec toi, c'est un incroyable jeu. Qui est étonnamment feel good alors qu'il parle beaucoup de dépression en réalité. Oui, c'est vrai. Mais l'aspect redessiner l'univers et donc apporter plein de couleurs, c'est ça le côté feel good de Ouais. Chicory. Mais même politiquement, il est intéressant, je trouve, avec Et le puis t'as message plein de. final sur le pinceau. Oui, mais t'as plein de petites pointes d'humour par-ci par-là avec les dialogues des personnages, certains personnages que tu croises. Le Ouais. moment où tu croises le frog détective, bah, ça va mourir de rire parce que bon, le personnage, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Très drôle. Et la BO est incroyable parce que Oui. Lena Raine est une compositrice incroyable. Là, moi, dernièrement, j'ai fait Split Fiction avec donc mon ami Florian, Ouais. qui est un jeu incroyable par les devs de It Takes Two, qui est sorti maintenant D'accord, il y ah a oui, donc 3 ans, je crois, qui avait pas des mal gens fait parler de lui à compétents. l'époque. It Takes Two, ils avaient aussi fait A Way Out. Donc, tu sais, ce qui est cool déjà, c'est que c'est un genre de jeu uniquement multi où tu y joues à deux, mais il suffit qu'une seule des deux personnes le paye pour que tu puisses jouer avec un ami de ton Ouais. choix. Tu lui donnes un code et comme ça, hop, tu peux jouer directement. Split Fiction, c'est incroyable le talent que les mecs ont pour calculer exactement, à la seconde près, le moment où il faut changer de phase de jeu ou de gameplay. C'est vraiment au moment où tu te dis, ah, ça durerait plus, ça serait ennuyeux, et bah paf! Le gameplay change, il y a une nouvelle boucle qui arrive, le niveau prend une autre dimension, c'est incroyable ce talent du timing chez ces développeurs-là, parce que c'était déjà le cas de It Takes Two. Non, mais faudrait que je le fasse du coup. Faudrait que je trouve un ami ou bien je demanderai à OKXV. Mais. Quel connard! Alors en sachant que Split Fiction, Florian était du même avis que moi, est quand même plus complexe. On va dire que It Takes Two. It Takes Two, c'était vraiment un jeu parfait pour l'un des deux était un joueur habitué et justement l'autre personne aurait pu être quelqu'un qui ne joue pas plus que ça. Alors Ouais. que Split Fiction, vraiment, tu sens que c'est un jeu vraiment fait là pour les joueurs. D'accord. Bon, après, ça me gêne pas forcément. Je commence à jouer un peu, j'ai de la bouteille. Et pour les deux autres jeux que j'ai cités tout à l'heure, du coup, Slay the Princess, c'est un Ah, il faut que je le jeu fasse. majoritairement textuel qui part d'un concept simple. En gros, t'es un personnage qui, dans un monde de fantasy, doit tuer une princesse pour sauver le monde. Une princesse qui est enfermée dans une cave, on ne donne pas de contexte. Et le truc, c'est que t'as énormément de possibilités, de choix, et le jeu recommence et recommence, et ça devient, on va dire, un jeu d'horreur métaphysique, mais en même temps très comique. Et très psychologique. Et très psychologique. Du coup, on passe vraiment d'un sentiment à l'autre. C'est quasiment toujours à la fois très drôle, très inquiétant, et ça peut partir dans plein de directions, ce qui fait qu'il n'y a pas deux parties qui sont les mêmes. Enfin, tout ce que ça explore est vraiment passionnant, et le nombre de directions est assez hallucinant. Mmh. Visuellement, c'est très cool, et pareil, excellente BO. Et donc, Omori ? Et Omori, alors Omori, c'est un RPG assez, qui peut rappeler des trucs comme Mother dans le style, où au départ, on joue des enfants dans un monde tout mignon qui ont des aventures toutes mignonnes, sauf qu'on se rend vite compte que ça se passe dans la tête d'un des personnages qui a quelques années de plus et qu'il s'est passé des trucs pas cool dans sa vie, notamment que sa grande sœur est morte, on sait que ça assez rapidement, et qu'il a très très mal surmonté cet événement, et que là il va déménager dans 3 jours, et que donc ses anciens amis essaient de renouer une dernière fois contact avec lui. En fait, c'est un jeu assez piège, pour ce que je préfère prévenir, ça va dans l'horreur vraiment violente par moments, sauf que ça t'accueillit avec des trucs tout mignons, mais il faut vraiment être prévenu, ça avertit, hein, de toute façon, avant de lancer le jeu. Les avertissements sur la dimension horrifique sont pas à prendre à la légère, il y a des moments où je me sentais vraiment pas bien. Mais en même temps, c'est rempli de jeux de mots nuls et de moments très mignons, voilà. Ok. Puis moi, de mon côté, je suis plus un joueur adepte des jeux vraiment centrés sur leur scénario, d'où mon amour du JRPG. Mais j'aime également beaucoup les jeux d'aventure type point and click. Dans mes jeux préférés que j'ai fait énormément de fois, tu vas retrouver les premiers épisodes des Chevaliers de Baphomet, toute la période Fast de LucasArts, donc tout ce qui va être Day of the Tentacle, Sam & Max... Voilà, tous ces jeux-là qui sont vraiment très narratifs, mais également très drôles, pour LucasArts en tout cas, parce que les Chevaliers de Baphomet, t'as quand même des sujets un peu moins rigolos. Les sectes religieuses, c'est pas un truc avec laquelle t'as envie de te fendre la gueule tous les jours, quoi. et du coup, côté RPG, l'une de mes grosses claques, ça a forcément été l'arrivée de FF7 en Europe, mais comme beaucoup comme beaucoup de joueurs de ma génération. FF7, FF6, du coup, découvert bien après. FF4, c'est ma sainte trilogie des Final Fantasy. Oui, parce que le 6, il n'est pas vraiment arrivé chez nous, normalement, si. Si, il a fini par sortir, mais vraiment des années et des années après. Quoi. Il est sorti sur GBA, à un moment. Sur Game Boy Advance. Et puis là, maintenant, on l'a en français via la Pixel édition sur Steam. Et même sur console, d'ailleurs. Mais voilà, je suis un énorme joueur... de JRPG, donc forcément, c'est un genre que tu peux difficilement en refaire. Après, si je dois vraiment en mettre sur un piédestal, ça serait donc FF7, parce qu'il y a eu le côté découverte, et parce que quand même en dehors de ça, FF7, c'est un putain de jeu, avec un scénario incroyable et des personnages ultra attachants et ultra bien travaillés. Ah bah, clairement, oui. Qui était sorti sur Xbox 360, et qui est toujours une exclu Xbox 360, c'est tellement triste de se dire qu'on ne pourra plus jouer à ce jeu au bout d'un moment, puisque forcément, des Xbox 360, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Lost Odyssey, qui est un jeu incroyable, et qui avait été affreusement critiqué à l'époque par un certain site qui s'appelle JV.com, et vu que JV.com fait un peu la météo des ventes, fatalement, le jeu en a pris pour son grade, et je pense que la méconnaissance du public de ce jeu est due en partie à jeuxvideo.com qui a craché sur que les distributeurs dessus. Avaient pas assez payé pour ça, pour avoir une bonne critique sur jeuxvideo.com. Ça, je ne sais pas. Mais Lost Odyssey est un jeu incroyable. Un jeu fait par... c'est comment Sakaguchi, le créa des FF7, enfin des FF. Hironobu Sakaguchi. Ouais. Ça aussi, c'était quand même incroyable. Lost Odyssey, c'est quand même... Hironobu Sakaguchi à la réal et Nobuo Uematsu à la composition de la BO. Attention. Ouais, c'est étonnant, effectivement, que ça n'ait pas plus marqué, du coup, en France, malgré de mauvaises critiques. Bon, on passe à la question suivante. Allons-y. Alors, question suivante, c'est quelles autres lectures vous passionnent hors King ? Je te laisse commencer. Moi, j'aime bien lire l'Almanach des sports. le beau teint, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le dernier catalogue La Redoute. Les critiques de fans de coach sur Amazon. Non, plus sérieusement, comme on l'a dit, on lit pas mal de comics et de mangas, vu que forcément t'as eu une librairie. Ça aide. On en a lu pas mal. Toi, surtout comics, en comics, tu t'y connais mieux que moi, en tout cas, largement. Ouais. C'est quand même... j'ai lu du comics bien avant de lire du manga. Ouais. Clairement. Oui, oui. Du comics, j'en lis depuis vraiment fin d'enfance, début d'adolescence, quoi. Ouais, le manga, à cet âge-là, mis à part Dragon Ball... Bah, en même temps, il n'y avait pas forcément 200 000 trucs qui étaient arrivés. Oui, voilà. Cet âge-là. Il y en avait beaucoup moins. Voilà. Mais oui, moi, j'ai surtout grandi avec, forcément avec les comics Marvel. Vu qu'en France, on a toujours été plutôt bien servi côté Marvel, avec Panini qui a vraiment fait le taf plutôt rapidement, contrairement à l'univers DC qui a toujours été un peu boudé chez nous. Urban, c'est vers quelle époque qu'ils ont commencé à éditer du DC ? Oh, très bonne question. Urban Comics, ils existent depuis quand ? Ils existaient déjà quand j'ai ouvert la boutique, mais aux alentours de 2010, je dirais, Urban. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça, quand même. Ah non, non, non. Tiens, 2011. À création, oui. Création de l'entreprise 2011, début d'activité 2012, tu vois ? Ah oui, je voyais ça quand même pas mal plus vieux, tu vois, Urban Comics. Ils ont eu 10 ans il y a que quelques années, quoi. Avant ça, c'était Panini qui éditait DC Comics, et attention les yeux, quoi. T'avais vraiment... Ils éditaient Batman, la Justice League, Wonder Woman, Superman, quoi. Pour le reste, tu pouvais toujours te gratter. Après, encore aujourd'hui, ça reste pas foufou pour le reste, j'ai l'impression. Ouais, mais on a quand même du Flash qui sort un petit peu, du Green Lantern. Oui, effectivement, ouais. Il y a quand même un peu plus de sorties, quoi. Alors qu'avant, vraiment, il n'y avait pas grand-chose, et surtout à des prix beaucoup trop élevés. Ça, c'est un peu le souci de Panini, qui, dès que c'est pas leurs éditions, à bas prix. Hein. Oui, voilà. C'est vrai qu'ils ont, ça a toujours été un éditeur cher, même pour les comics, même pour les mangas. Ouais. Mais oui, du coup, gros lecteur de comics de mon côté, et également de mangas. Après, gros lecteur de romans en règle générale aussi. Hein. Oui. C'est vrai, on a déjà eu l'occasion de citer d'autres auteurs qu'on aimait en roman. Il y en a quand même. Et toi, comme moi, parce que dans le vidéoclub, forcément. On cite majoritairement des auteurs fantastiques, horrifiques, alors que toi comme moi, on lit de tout genre, quoi. Oui, c'est ça. On essaie de bien se diversifier pour découvrir de nouvelles choses et pour changer un peu. Voilà. Qu'est-ce que tu lis, tiens, par exemple, actuellement ? Je viens de finir Changer méthode d'Edouard Louis. Ouais. Du coup, c'était vraiment intéressant. C'est pas mon Edouard Louis favori, mais c'est vraiment intéressant. Et je pense que le prochain que je vais lire, ce sera le dernier Yoko Ogawa, donc qui s'appelle « Scène endormie dans la paume de la main ». D'accord. Et toi ? Et moi, là, j'ai terminé il y a peu « Son nom sur la liste », un roman de John Grisham, donc roman policier orienté vraiment juridique, qui était pas mal. C'était mon premier John Grisham, je n'en avais jamais lu, qui était un roman plutôt sympathique. Où il réutilise un personnage qu'il avait déjà utilisé dans un précédent roman, mais vraisemblablement, John Grisham étant un bon auteur, tu n'es pas obligé d'avoir lu le précédent pour apprécier celui-là. Les auteurs de Polar essaient de faire attention à ça quand même, parce qu'ils savent bien que tout le monde ne va pas aller rechercher un roman écrit 10 ans plus tôt pour commencer. Mais donc c'était très bien, c'était plutôt sympa, ouais. Son nom sur la liste. Et là, j'ai commencé Le Roi en jaune de Robert W. Chambers, qui est un recueil de nouvelles orienté plutôt fantastique, psychologique. Je me suis orienté vers ce recueil de nouvelles, car ça fait partie de ces œuvres qui ont fortement inspiré Lovecraft. D'accord. Et je me dis, pour que ça ait inspiré Lovecraft, c'est que ça doit être... ça peut être intéressant à la lecture. Et je vois vraiment d'où vient... Enfin, je vois ce qui a plu à Lovecraft dans Le Roi en jaune. Pour donner l'explication, Le Roi en jaune, donc, c'est une série de nouvelles dont les quatre premières du recueil se déroulent dans le même univers. Tu vas pas suivre du tout les mêmes personnages, mais c'est le même univers. Et dans cet univers-là, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune, pièce de théâtre inachevée, qui comporte deux actes et qui rend les gens qui la lisent légèrement fous. D'accord, oui, voilà. Oui. La connexion lovecraftienne est en effet assez évidente. C'est vraiment passionnant, ça se lit vraiment très très bien. Et les univers qui dépeint sont vraiment particulier, quoi. La première nouvelle se passe dans une espèce de New York mi-contemporain, mi-futuriste, à savoir que c'est un récit qui a été écrit en 1895. Et quand tu lis, t'as vraiment l'impression que le mec a prévu le futur, en fait. Parce qu'il te parle d'une espèce de guerre mondiale qui aurait eu lieu où l'ensemble du monde aurait affronté les Allemands. Et tu te dis, ah oui, quand même. Le mec avait du nez. Oui, en même temps, c'est pas difficile de détester les Allemands. Hein. Pendant tout le 19e siècle, on leur tapait dessus une fois tous les 10 ans. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est l'univers qui dépeint est rigolo. T'as une espèce d'univers un peu à la... qui peut faire penser à du steampunk, mais en même temps, la police de cet univers, elle, est encore en armure et épée. C'est une espèce de mixte, ouais, entre futuriste et médiéval. C'est très rigolo comment tout est dépeint. Ça fait très et voilà, le rond en jaune, c'est très sympa. De FF6, du coup. De FF6 ou de... À la lecture, ça me faisait aussi penser à ce que Arakawa a fait avec son univers de Fullmetal Alchemist. Ah oui, effectivement, il y a ça dans Fullmetal, un peu, ouais. Parce que, typiquement, l'ordre des alchimistes, c'est ça, quoi. Les mecs qui sont à l'épée et tout, alors que l'univers autour d'eux est très steampunk, très futuriste. Très bien, Fullmetal Alchemist. Hein, faut que je prenne les derniers tomes de son dernier manga. Je pense que j'en ai un ou deux de retard. Ouais, j'en ai quelques-uns de retard, moi aussi. Mais donc, voilà pour les lectures du moment. Et donc, d'où vous est venue cette idée de se focus sur cet auteur en particulier ? Est-ce que vous en êtes très fan ? C'est toi qui vas y répondre. Oui, parce que c'est vrai que l'idée du podcast est de moi. Alors, au début, je cherchais une idée de podcast à faire avec Chris. J'en avais deux en tête et on a eu du mal à se décider. Donc, il y avait King, qu'on a finalement fait, et l'autre serait été la nazisploitation. Je pense qu'on aurait vu encore plus de mauvais films si on avait choisi ce sujet-là. Ah oui ! Finalement, la surprise avec King, ça a été de constater en faisant la liste initiale à quel point il y en avait des tonnes d'adaptations. Et voilà, oui, c'est parce qu'on aimait beaucoup l'auteur et que j'avais envie, pour ma part, de voir comment est-ce qu'il avait marqué le cinéma, pas forcément directement, mais en étant adapté, de montrer un peu comment il avait marqué son époque, au final. Oui. Je trouvais le sujet intéressant. Clairement. Après, on n'est pas à l'abri un jour de faire un podcast sur la nazisploitation. On n'est pas à l'abri, mais on a déjà les attaques animales à faire avant. Oui, voilà, on a déjà 3000 épisodes de ça. On a déjà un autre projet, ouais. Hein, une fois que le podcast du Vidéoclub sera terminé. Question suivante un peu liée. Une fois la liste d'adaptations épuisée, un jour peut-être, pensez-vous à critiquer les œuvres de King qui n'ont jamais eu d'adaptation ? On n'en a pas du tout parlé pour le moment de ça. Ouais, c'est pas un sujet qu'on a encore abordé entre nous. Alors que mine de rien, la liste qui s'épuise... fatalement, ça approche. On est quand même. Une année si on va. Oui, mais voilà, c'était ma conclusion. On est quand même plus proche de la fin que du début, quoi. Ah oui, nettement. Clairement. Oui. Alors après, il y a encore des petits films qui se rajoutent. Hein. Dernièrement, il y a The Monkey qui s'est rajouté, qui va se rajouter au chapeau. Life of Chuck qui va s'ajouter incessamment sous peu. Et puis cette année, la nouvelle adaptation de Running Man. Et Running Man, ouais. Qui me rend très curieux, hein, le Running Man d'Edward Wright. Oh bon, j'ai plutôt confiance, moi. Hein. Il a jamais fait un clairement. Film que j'ai trouvé mauvais, donc. Clairement, clairement. Mais donc non, c'est pas un sujet qu'on a évoqué. Alors après, pourquoi pas ? Ça pourrait faire un bon épisode de conclusion de podcast, du coup. Oui, ou alors un rythme plus lent, une fois de temps en temps, ce sera à voir, effectivement. Oui, après, rien n'empêche que le Vidéoclub devient mensuel. Ou épisodique, en parallèle quand avec il y a un des autre trucs podcast, qui sortent, en fait, aussi. Quand il y aura des adaptations qui sortent, on pourra toujours les refaire. Oui, voilà, on sort un épisode par-ci, par-là. Chaque épisode pourra être vu comme une petite épitaphe. Oui, voilà, c'est ça. En quoi une adaptation d'une œuvre de King est bonne ou pas ? Qu'est-ce qui est primordial pour vous, pour qu'une adaptation soit réussie ? C'est... Déjà que ça ne soit pas réalisé par McLanagan. C'est compliqué comme question. Ouais. Pour moi, un truc qui est important, c'est que ce soit pas juste une redite du roman. Déjà, parce que les structures des romans de King se prêtent pas forcément très bien à une adaptation telle quelle. Bah voilà, parce que objectivement, justement, McFlanagan adapte bien. Ouais. Objectivement. Oui. Mais ça en fait pas pour autant un bon film. Je pense que ce qui est important, c'est que ça apporte quelque chose par rapport à l'œuvre d'origine. C'est le cas de celle qu'on a mis en premier. C'est des œuvres que le réalisateur s'est appropriées, alors parfois en restant assez proche, mais qu'il s'est approprié quand même. Oui, en restant assez proche, comme a pu le faire Typiquement Cronenberg sur Dead Zone, par exemple. Oui, ou même Carrie est relativement proche quand même, Oui. en supprimant tout, des trucs, mais... Tout en ayant la patte de Palma avec le split screen, par exemple. Ouais. Après, il y a Et aussi les très éloignés qu'on a aimés. Bah, comme 1408 est Kubrick. pas mal éloigné. Mais Oui. Kubrick aussi. No Smoking, c'est une des plus lointaines qu'on ait. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas si on peut définir un truc qui fasse une bonne adaptation autre que bah, justement ne pas trop rester crispé sur le texte de base. C'est vrai que c'est une question assez compliquée au final. Bah déjà, oui, ne pas faire quelque chose où tu te dis, oui, bon bah du coup, pourquoi voir le film? Autant lire le bouquin, c'est pareil. C'est ça, surtout que dans l'ensemble, bah, ça va être moins bien que le bouquin parce que ça va falloir supprimer des trucs quand même, donc c'est pas Oui, tellement en la plus. peine. Ou alors tu fais un film interminable à la Doctor Sleep. Ouais. Ou alors c'est que t'es parti d'une nouvelle et au contraire tu dois les tirer à mort à la Children of the Corn Genesis. Pas Genesis, le remake de Joël Soisson, là, de Oui. Anne Blanchard, pardon. L'enfer. On passe aux questions de Tsum? Enfin, à la question. Oui, non, il y en a plusieurs de questions de Non, Tsum. non, il y a plusieurs questions de Tsum. On peut faire les questions de Tsum. Elle est actuellement derrière moi dans le bureau. Coucou Ah tiens, bonjour Tsum. Tsum. Alors, si vous deviez être pote avec un héros de roman de Stephen King, ce serait qui? Ah Alors, j'ai vraiment pas mis longtemps à me décider. Hein. Ah ouais? Bah Ah commence dans ouais. ce cas-là. Richie Tozier. Donc de Ah, ça. d'accord. Parce que vraiment, je trouve que c'est un personnage qui, alors, au premier abord, peut paraître très énervant, mais quand on comprend tous ces jadissements et pourquoi il est comme ça, finalement, c'est un personnage ultra attachant. Ouais, non, mais je suis d'accord. Richie est attachant, mais je l'avais pas noté pour le coup. Il est attachant, il est plutôt fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et ce qui a fini de me décider, en fait, c'est également la scène qu'il a dans le roman avec Kennedy. Ah, 22-11-63. 22-11-63. Chaque fois la date, c'est la date qui me perturbe. Oui, qu'on le revoit danser avec Beverly. Voilà, avec Beverly, toute cette scène-là est top, quoi. Et voilà, Richie Tozier, je trouve que c'est un personnage vraiment attachant, drôle, touchant. Et voilà comment ne pas être pote avec lui finalement. Ouais, moi, alors moi j'ai une hésitation, j'ai pas réussi à séparer entre trois personnages, à savoir Ouais. Susanna, dans, mais du coup que tu connais moins parce que c'est une membre du quatet dans La Tour Sombre. Ouais, effectivement. Et je la trouve vraiment cool dans le caractère qui est développé, où pareil, elle est très, c'est un personnage très très dur au début, bah parce que c'est une Afro-Américaine qui, en fauteuil roulant, dans les États-Unis des années 60, je crois. Ah bah Autant ça dire va, elle a de la autant chance. dire qu'elle a une vie de merde et que ça a Effectivement. une influence sur son caractère. Mais elle s'humanise de plus en plus, elle s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure des livres et elle devient super cool. Et pareil, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter et qui est très compréhensif des gens qui l'entourent. Oli, moi j'aime beaucoup Oli. Oui, ça va, tu vois, j'y ai pas pensé à Oli. Après, j'ai pas vu encore, enfin j'ai lu pour l'instant deux romans et bon, même si elle est très bien dans Carnet Noir, bon, elle Ouais, sert le pas à roman est grand-chose moins bien, dedans. ouais. Voilà. Et si ce dont j'ai besoin, c'est de protection, bah Charlie. Enfin, elle peut cramer le monde. Si j'ai besoin d'un garde du corps, c'est Charlie. Oui, mais c'est pas un garde du corps, c'est pote qu'on te Oui, parle. on peut devenir pote avec son garde du corps. Faut savoir profiter. Question suivante de Tsum qui est adressée à toi, Oui, spécifiquement. Maintenant que même tu si tu es peux, papa. Que même si tu peux penses-tu, répondre alors aussi. je reprends les termes, hein, je précise, que penses-tu de l'élevage des enfants dans les romans? C'est Oui, formulé comme ça. j'ai pas trop compris la Ça formulation doit non être plus. l'habitude des chevaux. Voilà, je pense aussi. Ce que je pense de l'éducation du coup des enfants dans les romans de Stephen King, on va plutôt traduire ça de manière correcte, parce que l'élevage, bon. Mes notes, j'ai écrit, c'est souvent catastrophique. Parce que bon. Deux gosses sur trois chez King, bon bah leur père est alcoolique Oui. et a tendance à leur fracasser la gueule. Bon bah les mères, en général, elles sont mortes ou alors elles sont totalement obnubilées par la religion ou par des sectes. C'est vrai Ou qu'il y a alors le père est beaucoup absent de aussi, il y a parents ça. qui sont des mauvais parents, mais mais qui sont admis comme des mauvais parents. Oui, voilà. En fait, c'est simple, les seuls... Alors, je pense que je me trompe, hein, mais les seuls vrais bons parents qui me viennent en tête direct, c'est les parents de Charlie. Oui, il n'y en a pas 150. Hein. Bah non. Et là, je parle vraiment du coup de parents, les deux. Tu vois, les deux sont des bons parents, la mère comme le père. Bon, la mère, bah, il lui arrive des bricoles. Hein. Mais à aucun moment, elle a voulu du mal, que ce soit envers Charlie ou envers le père de Charlie. Il y a la mère dont je retrouve pas le nom dans Sagdos, hein, quand même. Qui est une bonne mère, hein, qui a oui. des problèmes financiers, mais qui est une bonne mère. C'est vrai. C'est vrai. Là, vraiment, je parlais en tant que couple de parents, quoi. Ouais. Que dualité. Il y a que dans Charlie, j'ai l'impression, où les deux sont bons. Ouais, jusqu'à ce que ça commence à très mal tourner, Louis Creed et sa femme sont pas des mauvais parents dans le cimetière. Oui, c'est vrai. Ça dégénère. Mais... mais en soi, c'est pas des mauvais parents à la base. Vrai. Au bout d'un moment, c'est vrai, ça dégénère. C'est-à-dire quand t'enterres ton fils dans un cimetière indien pour qu'il revienne à la vie alors que tu sais très bien que ça va être un zombie. C'est que t'aimes vraiment beaucoup ton enfant, ça va. C'est vrai. Mais donc voilà, c'est quand même assez catastrophique, l'éducation des gamins. Ouais, faut bien l'admettre. Je pense que dans ça, il n'y en a pas un seul qui a des bons parents. Je réfléchis, mais non, effectivement, il n'y en a pas un seul. Si, le père de Mike, le père de Mike, je crois que ça va. On connaît pas les parents de Pennywise, donc peut-être que... Peut-être que Pennywise a reçu une très très bonne éducation. Voilà, c'est juste qu'il s'est fait bully par une tortue céleste, mais... Voilà, c'est la faute à Gamera. Et dernière question de Tsum, ma question qui n'a rien à voir que je pose en toutes les FAQ. Au resto, si vous avez le choix pardon, entre un plateau de fromage et un dessert, vous choisissez quoi? Bah moi, je choisis le plateau de dessert. Moi, je prends le dessert, le fromage après le repas, j'ai rarement très faim pour un fois pour du fromage, tandis que le dessert, oui. Ah. Donc, plateau de dessert pour toi aussi? Juste un dessert. Je préfère sélectionner un truc précis qu'un plateau. Ah. Sa question, c'est quoi? C'est un dessert ou c'est un plateau de dessert? Alors, c'est un dessert, c'est marqué un dessert. Ah, je pense qu'à mon avis, elle voulait dire un plateau de dessert. Ah. Dans ce cas-là, je prends un dessert seul. Mais moi, du coup, oui, ça, quoi qu'il en soit, ça reste le dessert. Moi, je suis un bec sucré. Bah, un peu pareil en fin de repas, ouais. Au moins que ce soit en n'importe quel moment de la journée, je suis plus un bec sucré qu'un bec salé. Donc, c'est tout pour les questions de Tsum que nous remercions. Et nous passons aux questions de KXV, parce qu'il faut bien à un moment. Mais tu nous écoutes depuis le début, c'est super. Hein. Si vous deviez mettre en avant une adaptation de roman ou de nouvelle horrifique sur écran, pas du Stephen King, parce que vous la considérez comme méconnue ou sous-estimée, ce serait quoi? Là, pareil, moi j'en ai noté 3, donc je vais donner la première, qu'on a vu ensemble, donc on sera peut-être probablement d'accord, c'est Le Vourdalak d'Adrien Beau, qui est une adaptation alors de Tolstoï, mais pas le Tolstoï que tout le monde connaît, c'est Alexis Konstantinovitch. La nouvelle s'appelle La famille du Vourdalak et ça donne un super film d'horreur qui adopte une esthétique très peinture avec une créature marionnette absurde qui marche super bien, qui a une voix géniale, la musique est trop cool. Enfin, ça fait vraiment retranscription d'un récit horrifique médiéval sur grand écran et c'est super réussi. Ouais, c'est vraiment un putain de film, effectivement, Le Vourdalak, j'y ai pas pensé. T'avais noté quoi, toi? Moi, j'ai noté une adaptation de Clive Barker, que je sais que tu as vu, d'un certain Ryohei Kitamura, ouais. Midnight Midtrain. Ouais, effectivement. Qui est vraiment un putain de film. Alors, pas clairement pas à mettre sous tous les yeux, hein, parce que il est très graphique visuellement et de mémoire, il est quand même assez trash. Oui. Enfin, après, tu me diras, comme tous les Ryohei Kitamura orientés horreur. Ouais, comme tous ces films américains, ouais. Voilà, et surtout ces films américains, c'est là où il fait le plus trash. Tu te demandes, mais comment ça? C'est très bizarre. Et Midnight Midtrain, vraiment, j'ai l'impression que c'est un film que peu de personnes semblent avoir vu. C'est, je sais pas. Bah, Kitamura, c'est pas un réalisateur adoré. Il est souvent jugé bordélique dans son style, et c'est vrai qu'il l'est. Mais justement, j'aime bien, moi. Donc oui, je te rejoins sur celle-là. Et du coup, j'avais noté aussi bah, une adaptation de Lovecraft, La couleur tombée du ciel de Richard Stanley, donc avec Cage, qui, je trouve, fait un très très bon boulot d'adaptation. Cage est très bien dedans, donc bah, je trouve que c'est une top adaptation de Lovecraft. Parmi les adaptations vraiment directes, pas des trucs inspirés de Lovecraft, où là, il y en a plein d'autres ouais. de bien, mais bah, les adaptations directes, c'est une de mes préférées. Ok. Et le dernier que j'ai noté, qui est peut-être un peu plus connu, c'est Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, qui est adapté d'un roman de Daphné du Maurier, Ne regarde pas tout de suite, et qui est un super film qui fait très giallo dans l'ambiance sur le deuil et qui a des moments très inquiétants aussi. Je sais pas si tu as vu celui-là. Mais bah, pas du tout. Ah, je pense vraiment qu'il te plairait. On dirait vraiment un giallo assez poisseux. C'est très réussi. Mm-hmm. Avec Donald Pleasance dans le rôle principal. Ouais, ouais je vois très bien. Hein. Donald Pleasance, du coup, qui nous a quittés il y a peu. Ouais. Je vois très bien, c'est juste que oui, effectivement, je ne l'ai pas vu celui-là. Il va falloir. Il est sur ma liste, hein, comme énormément de films, comme toi. Oui. C'est bien beau de voir beaucoup de films, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas voir tout ce qu'on a envie de voir. Ouais, c'est ça. Même dans cet état, on n'arrive pas à tout voir, hein, même en regardant plein. Voilà. Et puis le problème, c'est que des fois, il y a des films qu'on a énormément envie de voir, et puis bah, tu sais pas pourquoi, ton doigt rip et tu te mets à regarder Dracula 3000, quoi. Oui, ou donc, bon. Popeye, le film Popeye d'horreur. The Popeye, Slayer, les deux films d'horreur. Hein. Ah, et les deux films d'horreur Popeye, voilà. Les deux sont nuls, hein. Mais il y en a un qui est mieux que l'autre, mais les deux sont nuls. Ouais, hein. C'est super, enfin. J'ai vu The Mousetrap, il y a pas longtemps, c'est de la merde aussi, c'est avec un mec qui tue des gens avec un masque de Mickey. Ah, c'est le truc adapté de Steamboat Willie, là. Enfin, oui, voilà. Disait adapté de Steamboat Willie. Voilà, c'est nul à chier. D'accord. Voilà. Mais sinon, j'ai des bons films hein, sur ma liste d'attente hein, depuis un moment. Hein. Ah, et, j'en ouais, doute des pas. Fois, ton doigt rip. Il rip souvent ton doigt, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je note que tu as découvert Présence de Soderbergh il y a ah, très bien, excellent. Il est vachement bien, ouais. Ah oui, oui. Par contre, lui, pour le coup, c'est vraiment un excellent film. Mm. Quelle intelligence d'avoir fait de la caméra l'esprit, en fait, tout simplement. Oui. Bah, il a des idées souvent assez brillantes, hein, Soderbergh, en mise en scène. Mm. On passe à la question suivante de KXV. Ouais, celle à laquelle j'ai pas eu le temps de faire le comptage, mais la réponse, c'est beaucoup. Ouais, donc quelle quantité de textes de King vous avez découvert pour le Vidéo Club à coup à peu près, effectivement, toi, c'est pas mal. Bah, alors moi, c'est pas mal pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été au global un grand lecteur de nouvelles, que ça soit pour n'importe quel auteur, en fait, je lis principalement des romans, je lis très peu de recueils de nouvelles, et il se trouve que King, c'est énormément de nouvelles qui ont été adaptées bien plus que des romans. Oui. Donc, voilà, si tu veux te faire une idée, en fait, dis-toi que les romans qu'on aborde, pour une grande partie d'entre eux, je les avais déjà lus, et bah, les nouvelles, par contre, j'en avais quasiment lu aucune, si ce n'est même aucune. Dans mon souvenir, il y avait Histoire de Lisée et 22-11-63 que tu n'avais pas lu avant, mais oui, les romans, c'était plus souvent que tu les avais lus. Voilà. Moi, par contre, c'est relativement peu parce que j'ai essayé de prendre de l'avance et de lire les livres au fur et à mesure pour les relire seulement ou pour ne pas avoir à les lire au dernier moment. Ce que j'ai découvert pour le Vidéo Club, c'est... Alors, je l'avais commencé, mais j'avais interrompu dans le chapitre sur la poubelle, mais Le Fléau, la première fois que je l'ai terminé, c'était pour le Vidéo Club. Et les nouvelles qui n'ont pas été publiées en recueil, donc Dans les hautes herbes, et les deux de Creepshow, Mauvaise herbe et La caisse. Ouais. Mais sinon, globalement, c'est des trucs que j'ai lus avant. Là, je crois qu'il y a encore une nouvelle qui n'est pas en recueil, qui reste dans le chapeau, donc que je découvrirai. Mais voilà. J'ai même pas vérifié si elle était dispo quelque part. Si ça se trouve, on va se retrouver con quand on la piochera, mais bon, tant pis. Ça fait partie des aléas. Et question de nouveau, pourquoi pour toi, question éducation à nouveau, je sais pas si c'est trop perso, mais je crois que vous l'avez annoncé dans le Vidéo Club, effectivement, on l'a annoncé. Quelle sera la première adaptation de King que Chris montrera à sa fille? Alors, quelle sera la première adaptation de King que je montrerai à la petite? Eh ben écoute, on l'a abordé déjà, il y a quelques minutes, dans cet épisode hors série. Ça sera très probablement Charlie. Sauf si Les Yeux du Dragon est adapté d'ici là. Pourquoi Charlie? Parce que Charlie, déjà, en termes, je trouve, hein, de violence graphique et tout, c'est probablement peut-être l'un des plus abordables, je trouve. Il est pas... Il y a des moments un peu violents, mais il n'y a rien de vraiment impressionnant ou de traumatisant. Il faudra peut-être que je le revoie, mais de mémoire, en tout cas. J'ai vraiment... Il y a quelque chose que vraiment j'ai envie de faire avec la petite. C'est également lui montrer des œuvres, j'allais dire films, mais des œuvres au global, avec des personnages féminins forts. Et surtout qui ne sont pas écrits n'importe comment. Et Charlie en fait clairement partie. Oui, effectivement. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que ça sera très probablement Charlie. Sauf si Les Yeux du Dragon est adapté d'ici là, parce que Les Yeux du Dragon est un roman donc, de King, mais un roman d'heroic fantasy, et vraiment orienté tout public. C'est son seul roman à être de style heroic fantasy, et vraiment écrit dans le but d'être lu par les plus jeunes. Ouais, même s'il y a des éléments un peu horrifiques, mais lui, c'est destiné à la jeunesse. Moi, tu vois, j'avais parié que tu lui montrerais un truc avec des enfants et du maïs, mais bon... les Tommy Ducker. Oh, l'horreur. Après, c'est une manière de faire, tu vois, si le premier film qu'elle voit de sa vie, c'est les Tommy Knockers, bah tout le reste sera plus ou moins de la bonne surprise. Ah oui, clairement. Ah, oui. Mais bon, est-ce que c'est le but de traumatiser... de ne pas avoir des attentes. Est-ce que c'est le but de traumatiser cet enfant? Je ne crois pas. C'est une méthode d'éducation. Je sais, j'ai pas d'enfant, moi, hein, je peux pas dire. Nous allons passer aux questions de Boudin Rouge, qui déjà nous ce met un bon vieux un Boudin Rouge, mot, on aime bien ça, le Boudin Rouge. Je sais pas, je ne sais pas en quoi ça consiste, le Boudin Rouge. Donc, qui nous met « Bonjour Issam et Christopher, dans un premier temps, comme tout bon fan qui se respecte, je voulais vous remercier pour votre travail, la régularité des parutions, leur qualité et pour le plaisir que j'ai à vous écouter toutes les deux semaines. » Oui, régularité, il y a eu des moments, moins, mais... Oui. C'est toujours un de ces petits moments de bonheur quand la notification arrive sur mon téléphone. Et donc, pour les questions, sans considérer les œuvres abordées, quels sont vos épisodes préférés, ceux dont vous avez les meilleurs souvenirs? Et inversement, les Tommy Knockers a été une corvée à lire pour vous, l'inverse aurait été étonnant, mais c'était un plaisir à écouter, par exemple, dit-il. Bah, globalement, les épisodes où on a pris, je pense, le plus de plaisir, c'est très souvent les mauvais films. Oui, ou les très bonnes surprises aussi. Oui, les très bonnes surprises. Bah du coup, Chambre 1408 pour toi. Moi, je le connaissais déjà, mais toi, ça a été une excellente surprise. Et L'Oiseau de proie. Oui, tu veux dire le rapace... Le rapace nocturne. Ouais, c'est ça, ouais, les ailes de la nuit, le titre du film. Ailes de la nuit, oui. No Smoking aussi, oui, et Timeskeepers of Eternity, moi, non, une très bonne surprise. En plus, plus récemment... No Smoking, on s'est un petit peu amusé à refaire les doublages pour l'extrait. Oui, effectivement. C'est vrai. Plus récemment, non, assez vieux aussi, Kingdom Hospital et La Créature du Cimetière, moi, qui sont dans les vraiment bonnes surprises. Ouais. Et Les Démons du Maïs, celui de 2020. Mais c'est vrai que oui, en termes de fun et d'amusement, quand c'est du très mauvais film, là c'est drôle. Oui, bah oui, c'est ça, The Mangler 3, on a bien rigolé à en parler. The Mangler 3, dans les tout premiers épisodes, je me souviens qu'on s'était quand même bien marré pour la nuit du loup-garou, peur bleue. Oui, effectivement. Children of the Corn Genesis, où on comprenait rien à ce dont on était en train de parler. Voilà, Genesis, au bout d'un moment, quand tu essayes d'expliquer un film et que tu te rends compte que t'as rien compris ou que bah, tu sais même plus de ce que tu dis. Ouais, qui s'est rien passé, mais qu'en même temps, même ça, t'arrives pas à l'expliquer. Voilà. L'épisode sur les Tommy Knockers, c'était drôle, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai que bah, une fois qu'on en parlait, ça devenait drôle, oui. Voilà. Les Enfants de Salem aussi. Les Enfants de Salem. Je me souviens que c'était fun de parler de Dreamcatcher. Oui. Des aliens, des aliens qui sortent par le cul, c'est rigolo. Ouais, ouais, on a bien rigolé avec celui-là aussi. Tsum vient de se retourner brusquement sur sa chaise de bureau avec une moue incroyable. On lui fera écouter l'épisode. On lui fera lire le roman. Pour contextualiser. Bah, The Mangler 2 aussi. Hein. Les Manglers est une licence fiable. Oui, c'est vrai. Avec le virus informatique qui veut répandre sa semence partout. Là. Ah oui, c'est vrai. Et à l'inverse, les plus désagréables. Bah écoute, j'ai pas souvenir qu'on se soit fait chier à faire un épisode en fait. À enregistrer, non, à préparer des fois. Ouais, à préparer, peut-être. Oui, mais du coup à préparer, parce que vraiment c'est tellement mauvais que la lecture est pénible et que le visionnage du film est pénible. C'est bah, justement les Tommy Knockers à relire. Contre-temps, moi, ça a été un visionnage difficile, contre-temps. Ah, et encore, il y avait rien à lire. Ouais. Bah dans le truc où il y avait rien à lire mais où j'ai détesté le film et ses créateurs, il y a You Can't Kill Stephen King, je trouve tout détestable dans ce truc là. Ouais. Dr Sleep. Ouais. À l'aide. Ouais, parce que pareil le livre est pas ouf. Ouais. The Mist et le twist de fin de saison, la série. The Mist, pardon. Ah oui, pas, la série. Pas le film qui est loin d'être à ce point, mais la série avec son twist de fin de saison ultra homophobe, là. Ouais. Donc ouais, en fait, c'est, oui, c'est plus les préparations qui peuvent être désagréables, les enregistrements non, parce que voilà, on est on fait un truc entre potes, c'est rigolo, donc ça va. Que ça nous plaît, et voilà. Ouais. Il n'y a eu aucun enregistrement où vraiment ça nous a fait chier de se retrouver pour parler, même si c'était des longs épisodes, surtout que maintenant nos épisodes commencent à être souvent. Ils sont difficilement en dessous de la barre des 1 heure, voire 1 heure et demie. C'est vrai qu'il y a eu un rallongement de la durée des épisodes, globalement. Ah oui. Vu que maintenant, on aborde les films point par point, enfin, maintenant, depuis de nombreux épisodes, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'avant, on faisait vraiment une critique globale. Plus précis au fur et à mesure, ouais. Mm. Et alors, du coup, je vais pas faire toutes les questions de Boudin Rouge d'affilée, parce que cette question, je trouve, se rapproche de celle que nous a posée Nessa, qui elle aussi nous écoute depuis un moment, et on la remercie. Qui est, quel a été le livre ou l'adaptation le plus compliqué à traiter ? Ce qui est une question différente, parce que compliqué, ça ne veut pas forcément dire désagréable. Ouais. Donc, je te laisse commencer. Et bah pour moi, ça sera tout simplement Sagdos. Pourquoi ? Parce que Sagdos est probablement l'un de mes kings vraiment préférés, et que je trouve que quoi qu'il en soit, que ce soit n'importe quelle œuvre, c'est toujours plus compliqué de dire pourquoi on aime quelque chose que de dire pourquoi on déteste quelque chose. Oui. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, l'adaptation est tellement merdique que pff, tu souffles, quoi. C'est vrai que mais oui, vraiment c'est, pas c'est... bien. Ah, l'adaptation est vraiment nulle. Hein. Et voilà, c'est toujours... comment dire, quand tu apprécies quelque chose et que tu veux le faire savoir, c'est toujours compliqué parce que tu ne sais pas vraiment comment le dire. Tu ne sais pas si les gens vont te comprendre, si ça va bien être ressenti. T'as toujours cette petite crainte, alors que vraiment... faire comprendre que tu as détesté quelque chose, c'est relativement facile, quoi. Oui. Je pense que depuis le temps, vous savez qu'on n'aime pas trop Mike Flanagan, quoi. Ou alors c'est que vraiment, on n'y va pas assez fort. Alors, du côté préparation, moi, j'ai noté que les gros romans compliqués sont assez compliqués à traiter aussi. Sagdos, à la limite, ça va, je trouve, pour en parler, parce que même si je l'aime énormément, la structure du roman est simple. À côté de ça, un très mauvais et un très bon, mais les Tommyknockers et Bazar, ne serait-ce que pour les résumer, c'est compliqué. Bazar, ça a été un épisode assez compliqué à résumer, je trouve. Parce qu'il y a plein de persos partout. Du côté des films, moi, j'ai souvenir de difficultés pour trouver des infos, alors qu'il y en avait pas mal sur Le Cobaye, parce que je trouvais plein de sources et j'ai dû faire pas mal de recherches. Et No Smoking, parce que c'est un film indien, et du coup, ça a été compliqué de trouver des infos et de faire les recherches sur le casting et compagnie. Alors que c'est quand même un plutôt gros réal indien. Donc oui, ça va encore que ce soit Anurag Kashyap, qui est en effet plutôt un gros réal sur lequel on trouve des renseignements. Ça aurait été un truc plus obscur. D'ailleurs, les autres adaptations indiennes de King, elles sont pas dans le chapeau parce que j'arrive pas à trouver de sous-titres pour. C'est dire à quel point on en est. Oui, et vu qu'on maîtrise pas du tout les différentes langues. Ouais, je crois que les deux sont en hindi pour le coup. Je crois que c'est des hindi qui restent. Vu que ni toi ni moi ne parlons l'hindi, ça risque d'être compliqué, quoi. Je me suis dit, ça aurait été en tagalog, on s'en serait pas mieux sorti. Hein, mais voilà. C'est vrai. Sauf si à la limite, ils respectent à la virgule près le texte original, mais est-ce que je doute ? Déjà, il y a des chansons dans l'adaptation de Misery à Bollywood, donc non, c'est que ça respecte pas le texte à la virgule. J'ai tellement envie de voir ça. Oui, moi aussi, elle me fait vraiment envie. C'est frustrant qu'elle soit pas dispo. Ou alors on fait un épisode hors série où juste on parle du film, mais sans avoir rien pigé, quoi. Ouais, elle a l'air méchante, mais peut-être qu'elle l'est pas. Un jour, l'un des deux va chez l'autre avec deux packs de bière et puis on y va, quoi. On se descend une binouze à chaque chanson. Autant dire qu'au bout d'une heure, on est bourré. Au bout d'une heure, quelqu'un va retourner à l'épicerie et racheter deux packs. Parce qu'il n'y aura plus rien à boire. Bon, je pense que c'est tout pour cette question. Et donc, revenir à celle de Boudin Rouge sur les statistiques concernant le podcast, le nombre d'écoutes, les épisodes les plus écoutés ou les moins populaires. Alors, j'ai regardé, c'est en fait un classement qui est assez proche du classement chronologique dans le nombre d'écoutes. même s'il y a à un moment une chute assez brutale. Il y a beaucoup d'écoutes, en gros, sur ce qui correspond aux 13-14 premiers épisodes. Ouais. Enfin, beaucoup d'écoutes. On est au-dessus de 1000. Et après, brutalement, on passe à 700 maximum. D'accord. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mais donc, l'épisode qui a le plus d'écoute pour le moment, c'est Cimetière de Marie Lambert, qui, selon les statistiques PodCloud, en est à 3253 écoutes. Mais je ne sais pas si tout est comptabilisé. Ouais. Pour le coup. Et celui qui en a le moins pour le moment, c'est ben, le dernier en date, le 99e, le Salem de Gary Doberman, qui en est à une quarantaine d'écoutes. Donc on fait oui, des sachant des qu'il est sorti il y a deux semaines, quoi. Oui, voilà, mais dans tous les cas, on est sur des petits chiffres. Il y a des anomalies, des fois. Il y a un épisode récent qui fait un peu mieux que les autres. Je suis en train de revoir vite fait, parce que j'ai oublié de noter. Par exemple, le fléau de Josh Boone fait un peu mieux, peut-être, parce que c'est le fléau. Alors, il est à 82 écoutes, c'est pas énorme, mais c'est au-dessus des autres épisodes dans les mêmes ouais. alentours, tu vois. À côté de ça, l'épisode sur cellulaire marche plutôt pas très bien par rapport à l'époque dans laquelle il est. D'accord. J'imagine que ça dépend en partie de la popularité du roman, mais je pense qu'il y a un côté film. Un peu constant dans l'augmentation, quand même. Ok. On est quand même loin de 2 heures de perdu, et ça, c'est honteux. Ah oui, ou de l'apéro du capitaine, alors qu'on vous fait même pas payer, nous. Oui, c'est vrai que bon, on va finir par inviter Manox, nous aussi. Alors, je sais pas exactement comment fonctionnent les stats de PodCloud sur certains trucs, je suis pas certain de comprendre, mais là, on a eu une baisse d'écoute en février, et là, ça réaugmente depuis le nombre d'auditeurs est en augmentation, a priori, depuis fin février. Donc, je sais pas jusqu'où ça va aller. Ça a pas l'air clair, quand même. Hein. Non, c'est pas très clair. Elles sont vraiment pas très claires. Les stats PodCloud. Parce que ça donne les stats sur 90 jours glissants, ce qui est pas foufou. Ouais. Voilà. Donc, s'il faut, on vous dit des chiffres, alors qu'en fait, on est à 10 000 auditeurs par épisode. Ouais, j'en doute quand même. Hein. Alors, globalement, il y a des pics assez évidents d'écoute au moment de la sortie des épisodes. Donc, il y a au moins ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un mini engouement au moment où les épisodes sortent et après, ça redescend. Oui, il y a les habitués. Voilà, c'est ça. C'est les habitués voilà. qui écoutent. On sait que vous êtes là. Voilà, ta mère et ma belle-mère. Voilà. On a aimé. Et visiblement, c'est de très loin sur PodCloud qu'on est le plus écouté. Voilà. Ah d'accord. Oui, de vraiment loin, pour le coup, d'après... T'as quoi comme... T'as pas des stats de podcast addict ou de sites comme ça? Alors là, ça me donne les chiffres en vrac. Podcast Addict est en deuxième. En troisième, c'est Apple Podcast. En quatrième, Pocket Casts. Je ne savais même pas que ça existait. Et en cinquième, Antennapod. Pareil, on dirait un truc de SF chelou, là. Ça, c'est un site qui doit chourer les podcasts et se faire de la pub dessus, là, à tous les coups. Ouais, alors qu'on aurait pu se les faire, ces 5 centimes. Voilà. Mais du coup, visiblement, 35,7% de nos écoutes, c'est via Podcast Addict et on passe... C'est via PodCloud, pardon. Et on passe à 17,3% sur Podcast Addict. Ok. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à partager si vous voulez qu'on fasse encore plus d'écoutes, hein, qu'on soit un jour millionnaire et qu'on puisse s'acheter des éditions originales de King. Voilà. Et qu'on puisse faire un épisode en live à l'Olympia. Ouais, bien sûr. Sur la série Karine Mike Flanagan. Voilà, ou alors qu'on refait un épisode live au Stade de France sur Children of the Corn Genesis. Avec une diffusion du film en grand écran. Et on le commande, c'est la version commentée. Voilà, on le commente là, et... Il se passe rien. On fait les dialogues et on le commente. On fait des bruitages de Astérix à la fin. Et puis voilà. Donc voilà pour les stats, elles sont assez floues, elles sont pas ultra précises sur PodCloud, mais bon, globalement c'est moyen, mais ça, on le fait plus pour le plaisir qu'autre chose, hein, de toute façon. Oui, clairement. Mais on peut vous donner nos ribs, hein, si vous voulez. Ah oui, c'est très important ça. Ouais. Ensuite, toujours Boudin Rouge demande quel matériel méthode utilisez-vous pour enregistrer ? On remarque une nette amélioration de la qualité dans le temps, effectivement, qui rend votre podcast très agréable à écouter et surtout bien monté, si je puis me permettre, Issam. Boudin Rouge. Déjà, merci. Mais merci. Par ailleurs, merci pour le niveau du fond sonore qui est mieux maîtrisé maintenant. C'était parfois dur au début. En effet, c'était à la fois un mélange de ce qu'on utilisait pour enregistrer et de traitement sonore que je faisais beaucoup moins aussi. Ouais, parce que ça, les méthodes ont pas mal évolué quand même, hein, depuis le tout début, puisqu'au tout début, on enregistrait, c'était moi qui me déplaçais chez toi, on enregistrait chez toi directement dans une même pièce avec chacun un micro, l'un bout et l'autre de la pièce. Mais du coup, qui avait tendance à prendre le bruit de l'autre, ce qui facilitait pas le travail, et il y avait un des deux micros qui était techniquement pas directionnel. Voilà, et puis c'était pas des bêtes de micro en plus, hein, autant le dire. Oui. Il y a eu la période qui était la pire, c'était la période Covid où là on n'avait vraiment pas du bon équipement parce que c'était pas prévu quoi. C'était pas prévu, on était chacun chez soi, on enregistrait, enfin on se parlait via Discord et on enregistrait via Audacity, mais du coup avec des micros pas prévus pour. Ouais. Puis est revenu les déplacements chez l'autre, là c'était toi qui venais chez moi. Oui, en effet. Où on enregistrait dans une petite pièce dans mon bureau. Ouais. Il y avait un peu d'écho, je crois. Ouais, mais ça s'améliorait déjà à cette époque. On commençait à avoir des meilleurs micros quand même. Et là, maintenant, on enregistre chacun chez nous, mais avec des meilleurs micros pour ça. Et je crois qu'on a le même, hein, tous les deux. Enfin, moi, j'ai le Woodbrass UM2. Oui, on a le même micro, ouais. Conseillé par Gens, dans mon souvenir. Ouais, on a tous les deux un Woodbrass UM2. Du coup, on est revenu à la méthode, on discute sur Discord et on enregistre chacun notre son via Audacity. Ouais, voilà. Et après, mais tu t'occupes du montage. Avec des trucs prévus pour. Et le montage, je le fais sur Adobe, ce qui est techniquement trop lourd pour du montage podcast. Il n'y a pas du tout besoin d'Adobe. Sauf que le truc, c'est que je sais utiliser Adobe pour l'avoir utilisé pour la vidéo. Et du coup, j'ai la flemme de me former un logiciel qui ferait que du montage son, alors que je sais à peu près comment faire sur Adobe maintenant. Voilà. Je me tout dis ça autant pour pas dire. Me reformer. Tout ça pour dire que la qualité s'améliore alors qu'on a quand même de l'outillage de prolo. Oui, oh, ça et va, ça, c'est incroyable. C'est pas des mauvais outils quand même, là, on est sur Issam, un... Issam, je dis ça pour amener à une conclusion très simple, ah, c'est... Ah oui, effectivement. Les dons, où sont les dons ? Donner argent, effectivement. Donner argent. Prochainement, la cagnotte... La cagnotte Litchi. Litchi. Je crois que Litchi fait moins attention aux arnaques, donc il vaut mieux passer par là. L'ouverture du Patreon. Ouais. Bientôt. Question suivante, quels sont vos podcasts préférés ? Alors, j'ai noté que des podcasts qui étaient encore actifs, moi, pour le coup. Oui, donc tu n'as pas cité 2 heures de perdu. Oui, voilà. Qui est un podcast qu'on a énormément écouté. Ouais. L'apéro du Capitaine, hein, je pense qu'on est tous les deux d'accord ? Bah, effectivement, oui. C'est des gens de droite bourrés qui discutent de trucs qu'ils connaissent pas, c'est vachement bien. Moi, je pourrais citer, tu vas me rejoindre, Shark Parade. Oui, et le podcast Nanarland. Et le podcast Nanarland, en règle générale. Moi, j'aime beaucoup, je sais pas soit si tu l'écoutes vraiment de manière assidue, Super Ciné Battle. Ça fait longtemps que j'en ai pas écouté, il y a une période j'en écoutais pas mal, là ça fait un moment, mais il faudrait que je reprenne parce que c'est effectivement vachement bien. Voilà, donc avec Camus Robotics et Papa, ex-Gamecult. C'est très simple, hein, ils parlent de cinéma, ils les classent un peu comme nous on fait du coup avec les œuvres de King, de la même manière. Par décennie. Et voilà, et eux, sauf que oui, voilà, eux c'est par décennie. Pas de genre prédéfini ou quoi. Super Ciné Battle, c'est vraiment très très cool. J'ai noté en podcast ciné que je découvre depuis quelques temps et qui est vachement intéressant, c'est Discordia qui, dans l'ensemble, fait des filmos intégrales sur quelques épisodes, soit réal, soit acteur ou actrice, avec des invités régulièrement qui sont un peu spécialisés dans le sujet, dans la personne abordée. Ouais. Et c'est globalement vachement intéressant. Là, par exemple, c'est eux qui m'ont donné envie de regarder l'intégrale de Zhang Yimou, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'intégrale de Zhang Yimou, avec Wong Kar Wai Fu comme invité. Ils ont fait, que j'ai pas encore écouté, mais en 19 épisodes, tout Nicolas Cage, par exemple. Oh la vache. Ouais, oui, quand même. Ils ont dû passer par des merdes, hein. Je les plains un peu. Mais du coup, c'est vachement intéressant. Podcast jeux vidéo, comment il s'appelle ? C'est Fin du Game ? Je crois le titre, si je me trompe pas. Alors, en jeu vidéo, il y en a qu'un que j'écoute vraiment. C'est la case rétro, moi. Mais... Ah oui, bah la case rétro, forcément. Ouais. Fin du Game, du coup, c'est avec Exerve et d'autres personnes plus ou moins connues qui reviennent sur un jeu vidéo, mais vraiment du début jusqu'à sa conclusion. Donc, c'est spoiler alerte à chaque épisode. Mais du coup, c'est très intéressant d'aborder un jeu vraiment de sa conception jusqu'à le moment où tu le termines en tant que joueur. Mais voilà, je pense que c'est les podcasts principaux que j'écoute, ce qui fait déjà pas mal, hein, ça prend du temps, mine de rien, tout ça. Bah surtout quand Quand t'as des mecs dans une cave d'un cybercafé qui font des podcasts de 3 heures, oui, ça prend du temps. Bah, sur leur dernière saison, ils sont un peu plus courts, ils doivent être, ils vieillissent, hein, que veux-tu. Même si c'est vrai que les podcasts de la case rétro peuvent durer assez longtemps. Ouais, bah, et puis les Discordia, en réalité, c'est long aussi. Hein. Discordia, c'est 1h30, 2h par épisode dans l'ensemble. Ouais. Après, je dis ça, mais nous, nos premiers épisodes faisaient 30 minutes. Maintenant, on fait 1h30, 2h. Quoi, donc, c'est vrai, notre corps étant à 3h30 pour, pour parler de bazar. Donc, au bout d'un moment, taisons-nous. Quoi. Ouais. Ensuite, question pour moi, Issam, pourquoi une telle haine des chiens ? Pour Cujo, je comprends, mais quand même, il y a tout de même plus de problèmes avec les chats dans les écrits de King qu'avec les chiens. Alors déjà, ça, je dis que ça reste à voir, parce qu'il y a un chat très gentil avec celui de Katsai. Et c'est de vrai. Chat de cimetière, c'est pas de sa faute. Mais c'est vrai aussi. Plus sérieusement, en fait, j'ai réellement du mal avec les chiens dans la vraie vie, beaucoup plus que dans les œuvres, parce que j'ai du mal avec certains bruits, surtout les bruits forts, donc avec les aboiements. Ce qui est un peu problématique. Pour apprécier les chiens. On va pas se mentir, quand on sursaute à chaque fois que le bestiau aboie, bah ça pose un peu problème. Et puis, je sais pas si c'est que moi, mais en fait, j'ai connu pas mal de chiens qui cherchaient le contact, même quand je les avais éloignés 10 fois de suite. Et du coup, ça a dû renforcer le fait que ça me gonflait. Maintenant, à chaque fois que je vois un chien, j'ai peur qu'il vienne se coller à moi, et j'aime pas du tout ça. Ouais, ça, je pense que c'est surtout un problème d'éducation canin. Ouais, mais ça m'est arrivé avec pas mal de chiens, dont des chiens bien éduqués, tandis qu'un chat, je leur pousse une fois et c'est bon, il revient pas. Oui, bah en général, c'est même pas lui qui vient vers toi. En général, c'est toi qui vas vers lui. Oui, en plus, ou alors il vient pour m'attaquer, ça c'est Kino, mais... Oui, voilà. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que, effectivement, je n'aime pas beaucoup les chiens, sans leur en vouloir pour rien du tout, hein. On exagère pour la blague, j'ai aucune animosité envers les chiens, mais... Voilà, tu ne ferais jamais de mal à... Oui, voilà, c'est ça. Toutou, volontairement. J'évite d'être trop en contact avec l'animal. Voilà. Je pense que c'est une forme de phobie légère, hein, en réalité. Oui, c'est possible. Et fun fact, mon frère adore les chiens, ce qui fait que, du coup, il y a toujours une tension entre nous dès qu'on croise un chien dans la rue où lui, il s'arrête pendant pour le regarder. Tandis que moi, je fais, ouais, on y va, on s'éloigne, hein, maintenant. Je savais pas cette anecdote là, tiens. Ouais, ah si, il est fan des chiens. Enfin, il est fan des laisses surtout, mais voilà. D'accord, ok. C'est, dit comme ça, c'est très bizarre. Non, hein, mais... oui, c'est vrai que j'avais pas songé au contexte. Mais... il faut que t'expliques, parce que moi je comprends, mais. Ah, mon frère a un assez fort handicap, et du coup, il a des intérêts spécifiques très marqués, voilà. Dont les laisses. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, à une époque, c'était les. Alors, je dis à une époque, mais c'est peut-être encore le cas, les barrettes à cheveux. C'est toujours le cas, les barrettes à cheveux, ouais. D'accord. C'est toujours le cas. Et donc voilà, oui, il faut expliquer que, bon... Voilà, oui, oui. Ce n'est pas un kink. Ouais, ça, c'est un Stephen kink. Oh ! Bravo, bravo. Ouais. Cette émission n'a que trop duré. On sent la fatigue, hein, à l'approche du sang. Bah du coup, je propose de passer à la question suivante. C'est « J'avais un superbe slip ou caleçon, mais j'ai mieux, Mike Flanagan ou Mick Garris ? Choose your Mike. » Bah, Mick Garris, ouais. De très loin, quoi. Oui. C'est pas bien non plus, hein, mais quand même de très loin. Bah, Mick Garris, la plupart du temps, il y en a pas mal de chiantes, mais de tolérables. Voilà, disons qu'on n'a pas envie de l'égorger, lui. Voilà, Désolation, La Nuit déchirée, Un tour sur le bowling, le bolide et même Shining. Le bowling. On s'ennuie, mais ouais, ça va, j'ai rien contre, ça m'énerve pas. Voilà. Il y a même Quicksilver Highway qui est plutôt bien classé, donc il a un oui. Truc pas trop mal classé. Il y a que le Fléau et Sackdust qui sont très bas de Garish chez nous. Tandis que Flanagan, oui, on aime vraiment pas. Ah oui. Enfin, en tout cas, ses adaptations de King, sa série... Oui. Moi, j'avais bien aimé sa série Netflix, j'ai pas vu le titre. J'ai pas vu la seconde, c'est la première que je parle, The Hunting of Hill House, du coup, non ? Oui, voilà, c'est ça. J'avais beaucoup aimé. Après, on verra bien ce qu'il fait sur Life of Chuck, hein. Peut-être qu'il va se rattraper. Ah, et peut-être, oui. Ou peut-être pas. Ouais. Et il s'appelle pas Mike, mais n'oublions pas Craig Baxley, qui est celui, finalement, des adaptateurs très réguliers de King, qui est le mieux classé chez nous. Oui. Avec notamment Kingdom Hospital, qui a une vraiment bonne place. Ah, que c'était vraiment chouette, hein. Ouais. Les questions plus blagues que je cite, comme annoncé dans l'épisode 59 sur The Mist, où en êtes-vous du procès avec Karim Debache à propos de Maximum Overdrive. Est-ce que les gens font pression sur vous pour vous faire taire? Est-ce à cause du wokisme? Je pense qu'il serait important d'instaurer un code caché pour que nous, auditeurs, puissions vous aider en cas de problème. Je propose que vous cligniez des yeux en morse pour faire le message SOS. Alors, on a conclu un arrangement à l'amiable avec Karim. Il a promis de faire notre pub au lancement de la saison 2 de Chroma, mais je crois qu'on s'est fait arnaquer. Voilà ce que j'ai noté. Et du coup, notre code, c'est le jour où vous nous entendez dire du bien de McFlanagan, bah voilà. Vous savez qu'il nous arrive quelque chose. C'est qu'il faut venir nous sauver. C'est qu'on est vraiment dans la merde. Et enfin, tant qu'on parle de wokisme, je pense qu'il serait important de conserver la prononciation nazi comme initiée dans l'épisode sur les enfants de Salem. C'est tout de même plus classe. Effectivement, on peut essayer de retenir, surtout qu'il y a un épisode où on parlera beaucoup de nazi, hein, à un moment ou à un autre. Hein. Ouais, je sais. Donc, voilà, c'est pas gratuit. Hein. King a authentiquement consacré un récit au sujet et qui a été adapté par un metteur en scène parfaitement safe, en plus, c'est bien. Ah oui, totalement. Il va être bien, cet épisode. Ah putain, ça va être compliqué. Hein. Moi, je propose même qu'on propose aux scientifiques, enfin aux historiens officiels, de dire nazi à chaque fois que ça devienne la nouvelle prononciation officielle. Go. Alors, sous l'air Trump, ça va être compliqué à faire passer ça, mais... Bof, tu sais, je suis pas sûr qu'il sache réellement parler la langue, donc il sera peut-être d'accord. Hein. C'est vrai. Et la question bonus, alors j'ai demandé des précisions à Nicolas qui nous a fait le générique, parce qu'il y en a dont je me souviens pas, mais il me demande quels sont les BO utilisés dans les génériques. Alors, la rubrique roman, c'est un bout du Songe d'une nuit de sabbat de la Symphonie fantastique de Berlioz, dont le Dies Irae sert de thème à Shining. La rubrique film, c'est une reprise du Dies Irae façon métal, mais je ne me rappelle plus où est-ce qu'on l'avait trouvé. Le générique de fin, c'est la piste Sue's Dream dans la BO de Carrie. Et je réenregistre en décalé la réponse concernant le générique de début parce que j'ai dû revoir avec Nicolas Petit qui s'en est occupé, qui l'a créé pour nous. Donc le but du générique de début, c'était de reprendre des extraits de différentes BO de films adaptés de King et de recomposer quelque chose à partir de ça. Donc il y a eu deux génériques et dans celui que nous utilisons actuellement, il y a la BO de Shining, celle des démons du maïs, celle de Chambre 1408, de Christine, de Dreamcatcher, de Cellulaire, Cujo, Dolores Claiborne, de Misery et de Dead Zone. Et nous avons un doute, en fait, on n'arrive pas à se rappeler parce qu'on avait voulu qu'il y ait un bout de la BO de No Smoking et on n'est plus certain. Dans mon souvenir, ça avait été très compliqué de l'intégrer, du coup, ni Nicolas ni moi ne sommes sûrs que ça a été fait au final. Si ça y est, c'est très discrètement et probablement modifié. Mais voilà l'ensemble des BO présentes dans le générique de début. Et encore une fois, merci à Nicolas Petit pour nous avoir fait ce très chouette générique. Et le générique, le jingle classement, c'est un bout de chaque BO chroniqué, plus ou moins dans l'ordre où on les a classés. Voilà. C'est pour ça que c'est un gros bordel. Bah voilà, c'est toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu as un mot à rajouter ? Dit comme ça, non. J'espère encore continuer pour de nombreux épisodes. Ouais. Je me suis lancé un défi de renouveler mes gags sur Room 237 à chaque épisode et de faire un truc de plus en plus ouf. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner hein, les prochaines fois, oui. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais devenir le Manox de ce podcast. À l'aide. Top Zizik du vidéoclub de Castle. Le Top Zizik juste sur Room 237. Voilà. La prochaine est déjà... Je l'ai déjà. Ouais, c'est ce que tu me disais. T'en es très fier, du coup, ça m'inquiète un peu. J'en suis très fier, oui. Voilà. Non, ce qu'on peut dire, c'est remercier à nouveau les auditeuristes qui sont là depuis un moment, qui nous font des retours merci à réguliers, tous pour, qui nous posent des questions. Pour votre fidélité, effectivement. Voilà, c'est super sympa de savoir qu'il y a des gens réguliers. Oui. Qu'on n'est pas juste deux fous à faire un truc de notre coin. Voilà, c'est ça. Et puis, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole quand même autour de vous pour qu'il y ait encore plus de réguliers. Et on espère vous voir tous nous suivre lorsque le vidéoclub s'arrêtera, qu'un autre projet émergera, parce qu'un autre projet émergera fatalement. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on aime trop faire des choses ensemble. On aime trop parler cinéma ensemble pour s'arrêter après bah oui, le vidéoclub. C'est ça, il faudra trouver autre chose. Alors, on l'enregistre dans 15 jours, le numéro 100, au moment où oui. nous parlons. Nous sommes en train de le préparer. On a préparé pas mal de trucs déjà. Donc, comme on a dit avec Punky, que nous sommes très heureux de recevoir. Punky de la case rétro, voilà. Justement. Exactement. Donc, ça fera super plaisir. Et après, on reprendra le rythme normal avec toujours plus d'adaptations. Vous vous doutez qu'il ne reste que des chefs-d'œuvre dans le chapeau. Donc, ça va faire des épisodes de qualité. Bon, on va faire le laïus habituel. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste sur Blue Sky pour toi. Chris Lost Days pour moi. Uniquement sur Blue Sky, toi et moi, nous ne sommes plus sur le réseau social du démon. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne L'Archiviste du cinéma, qui parle surtout de cinéma asiatique, sur Twitch, sur ma chaîne, et des fois, Chris est présent en vocal. Exactement. On fait aussi surtout une émission via le live des régulière. Amis. Oui, surtout via le live des amis, même si ça fait un moment que toi, t'as pas pu y être. Parce que, oui. Voilà, mais on va bien s'organiser pour t'avoir un jour, quand même. Ça sera bien. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça, on met les liens dans la description. Comme d'habitude, hein, le Discord, tout ça, tout ça. Voilà. Et n'oubliez pas... que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.